Ah, mon Jojo, mon caca, ma Jojo, ma caca. Mes amis, j'ai vécu l'enfer hier après-midi. Je prenais le métro comme un prolétaire moyen. Oui, de temps en temps, j'aime bien partager mon quotidien et m'immerger dans le sordide des gens avec qui je partage la planète. J'étais donc dans le métro quand d'un seul coup, qu'est-ce qui se pointe dans le wagon? Ah! Un troupeau de femmes enceintes. Une dizaine de veaux de mer tout en sueur qui se tenaient les reins en marchant en canard. Comme les cons de gens qui étaient assis à côté de moi se lèvent pour leur laisser leur place, je réagis en hurlant forcément. Mais enfin, vous êtes des cons ou quoi de leur laisser vos places? Ça les encourage à sortir, les grosses! Un type, d'un seul coup, me demande si j'avais pas honte, ce à quoi je réponds en lui demandant s'il n'avait pas mal. Comme il a répondu non, je lui ai mis un grand coup de Sontag dans l'œil gauche. Comme quoi, il ne faut jamais trop vite dire qu'on a pas mal, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il se roule par terre, je l'ignore. Le voyage se passe, tant bien que mal, jusqu'à ce qu'une des femelles du troupeau me colle son ventre ignoble en pleine figure. Je me suis dit que si je la pourrissais, elle risquait d'y avoir une émeute. Alors j'ai rusé. J'ai approché ma bouche contre son ventre et je me suis adressé directement à son fœtus. Eh oh, y a quelqu'un? Bon, je vais faire comme si tu m'écoutais, hein. Faut que je te dise un truc, le gosse. Pour l'instant, tu te doutes de rien, mais celle qui te porte n'a jamais voulu de toi. Tu es le résultat inattendu d'un préservatif défectueux. Par ailleurs, ne m'en veux pas, mais ta génitrice ressemble plus à Régine qu'à Sidney Crawford. En ce qui concerne le monde extérieur, le réchauffement de la planète s'accélère à grands pas et l'Iran à la bombe atomique. En plus, pour couronner le tout, cette fois, c'est sûr, Cécilia Sarkozy quitte Nicolas. Tu auras 2 ans le jour de son élection à la présidence de la République, élection qui devrait être suivie d'une déclaration de guerre à la Turquie. Alors, si dans ces conditions tu veux toujours venir au monde, je te souhaite bien du courage. Oh, j'ai pas eu le temps de finir mon speech, Jojo. Le fœtus s'est bien bougé dans tous les sens. La grosse est tombée dans les pommes, il a fallu la sortir du métro. Et comme chez tous les grands pachydermes, bien sûr, il y a de la solidarité, les autres ont suivi. Du coup, le wagon était débarrassé, le voyage s'est terminé sans la pollution visuelle de ces ruminantes suintantes. Bon, en sortant, je suis tombé sur un groupe de Japonais qui m'a pourri la vie. Mais ça, je vais pas en parler, sinon, oui, je vous connais. On va encore dire que je suis intolérant. Bon, je vous laisse. J'ai mon cours de mutilation avec Gunther qui commence dans 10 minutes au Villersen.